des générations d'efforts, tout un océan de sueur. Pour une pauvre île engloutie par un déluge en douleur. Puisqu'on a toujours eu tort de croire encore en bonheur. Surgit le vent de la mort pour soulager nos erreurs. Il ne restera que des ruines, un tas de gravats sous la brume, un tapis de poussière fine, des cafards naissant du bitume. Milliards de livres inutiles, plein de poèmes illusoires, brûlés comme tous les 100 000 théorèmes qui nous font croire que l'humanité scintille comme un soleil dans le noir, alors qu'elle vacille au bord de son désespoir. Il ne restera que des ruines, sous la brume, un tapis de poussière fine, des cafards naissant du bitume. Pas de réponse, il n'y aura plus de questions. Quand les étoiles se reposent, enfin nous nous endormons. Tandis que la vie implose en un souffle assourdissant, elle effeuillera les roses pour les vider de nos sangs. Il ne restera que des ruines, de gravats sous la brume, un tapis de poussière fine.